Donc après les Sex Pistols, évidemment, ce n'était plus les Sex Pistols, vous êtes rendu compte. Donc il y a eu les Sex Pistols, Anarchy in the UK, bien sûr, la très grande chanson des Sex Pistols. Et juste après, la bande-annonce de Monsieur Coq, dont on doit la musique à Pierre Caillet, et Franck Dion, donc, qui est là, les deux, pour nous en parler. Évidemment, la première chose, vous connaissez déjà la bande-annonce, des fois je l'ai passée, si vous écoutez Bulle de Rêve, vous connaissez Franck, il est déjà venu, mais bon, on va quand même repréciser, donc c'est venant de nulle part. Ce qui est faux, après on a compris, en fait, touche à tout, dans le théâtre, etc. Il s'est fait un petit nom dans le graphisme, et puis d'un seul coup, il nous sort un film, L'Inventaire fantôme, où la plupart des gens de l'animation, on regarde, on fait, mais c'est qui lui, ça va pas, non? Il va pas marcher sur les plates-bandes des gens de l'animation. Et on regarde, et puis on se dit, ah, c'est quand même bien. Et donc il fait, le film marche très bien, nommé en Cartoon d'Or, etc., etc. Et donc il nous revient avec un deuxième film, qui s'appelle Monsieur Coq. Alors évidemment, dans ces cas-là, donc c'est mon nouveau petit truc, j'ai des images et je montre des images aux gens et je leur dis de leur commenter, etc. Alors évidemment, avec Monsieur Coq, on se demande, c'est quoi qui vient avant? C'est l'œuf ou la poule? Donc comment ça t'est venu l'idée? Alors c'est quoi déjà cette image? Et elle est venue d'où cette idée de Monsieur Coq, cette idée donc de ce bonhomme un peu jovial, mais qui représente une certaine partie de notre société aujourd'hui, qui domine, et qui ressemble à un bel œuf. L'idée initiale, c'est un personnage que j'avais croqué, dessiné, et avec une tête d'œuf, vraiment... chauve et l'air un petit peu à la fois sympathique et inquiet, un mélange des deux. Et malheureux aussi. Et je me suis dit que ça m'intéresserait de raconter une histoire avec un personnage qui avait l'air extrêmement sympathique, voire fragile, soucieux comme ça, et que ce personnage soit une crapule absolument immonde. Voilà. Une crapule immonde, alors malheureusement, c'est toujours la même chose, vous le savez. Ben, Monsieur Coq, on verra. Il dit, pour l'instant, on peut le voir en festival. On l'a vu à un moment donné sur Canal. Il est passé sur Canal Plus, qu'il est produit, mais à 3h du matin, oui. Hein, sur Canal Plus. Donc, c'était pas évident. Oui. Donc, il va repasser, on vous le dira. Donc, c'est pas évident. Il y a la bande-annonce qui est sur le site de Monsieur Coq, www.monsieurcoq, hein, MR. C'est Monsieur tout attaché ou c'est MR, COK? Non, c'est Monsieur Coq, COK, pour coq.com. Donc vous pouvez voir, là si vous pouvez, si vous avez internet, voir au moins la bande-annonce pour voir un peu ce que ça donne. Oui, ouais. Merci. Monsieur a beaucoup de talent, ça c'est sûr. Donc y a ça, et ensuite il y a l'histoire qui se met en place. Donc déjà, c'est le graphisme qui est venu en premier. C'est le personnage, voilà, qui le vient personnage. En premier. L'envie de changer, ça veut dire de... moi, je venais de faire un film en volume qui avait été très retouché, etc. Et je voulais passer vraiment là au dessin, l'illustration. Donc l'illustration animée. Et à partir de là, je trouve ce personnage. Et très, très vite... alors initialement, il était banquier. Son métier, c'était banquier. Et très vite, je me dis, comme il avait un peu une tête d'obus, je me suis dit, entre l'œuf et l'obus, il va construire des obus. Voilà. Donc c'est un type qui va construire des obus. Et voilà, et à partir de là, j'écris l'histoire. Donc c'est un marchand de guerre, on peut dire. Hein, d'armes. Qui vend, ouais, d'armes. Donc, d'obus, ouais. Et il y a juste un personnage qui va venir un peu se mettre entre ses projets, ouais. Qui est un monsieur barbu, ouais. Qui est... Un personnage qui vient d'où? C'est un peu toi? C'est... T'es un peu plus proche du barbu que de Monsieur Coq. Moi, je suis beaucoup plus proche. On est d'accord. Du barbu énervé. Ouais, je suis beaucoup plus proche du barbu énervé. C'est bon, j'ai bien fait de te faire venir. Que de Monsieur Coq, ouais, ça c'est sûr. Bah, ce personnage, c'est la caricature du... c'est la caricature du gauchiste, syndicaliste, celui qui fait sourire, voire parfois un peu peur aux bourgeois, quoi. Et je l'ai fait à l'instar de Coq, je l'ai fait en connaissance de cause caricatural. C'est des personnages que je voulais caricaturaux dans une histoire qui peut sembler, et un univers qui peut sembler caricatural, alors que pour moi, ça ne reflète que la réalité, qui elle-même, à mon sens, est une caricature dans le monde du travail. Donc voilà, c'est en fait le comment dirais-je, c'est l'opposé exact de Coq, le barbu. L'envie, c'était vraiment de, avec Monsieur Coq, on en a parlé un petit peu, de pousser un coup de gueule. C'est un film coup de gueule quand même, même s'il est drôle. Parce qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. On a souvent dit que l'inventaire fantôme, je trouvais ça pas franchement drôle. On est beaucoup à le penser. Si vous voulez faire un film drôle, je sais, t'en avais parlé à ce micro. Autant là, Monsieur Coq, et justement, on est tout le temps un peu en porte-à-faux parce qu'on rigole. Ce personnage est, comme tu le dis, sympathique. Et à la fois, c'est un patron d'industrie. Oui, c'est plus qu'un patron d'industrie. C'est un gros patron. C'est une star. Ça veut dire que... l'idée du film, c'est bien évidemment de parler de ces gens qui sont tout puissants, qui commettent des actes absolument répugnants. Le début de l'histoire commence par le remplacement de tous les ouvriers qui sont déjà complètement fatigués, épuisés, et on les remplace par des automates parce que ça va être beaucoup plus rentable, et on les met à la poubelle. Il y a une scène qui pourrait tirer de n'importe quelle CA ou je ne sais pas d'une grosse boîte où il explique ses actionnaires, ça va monter alors que là ça va descendre. C'est tout à fait quelque chose qui est... Et là on fait le ménage, on se débarrasse des puits la sueur comme on dit, et puis on les remplace par des machines sophistiquées qui eux disent non 35 heures, travaillent jour et nuit et sont très bien comme ça. Alors une autre image, est-ce que des gens comme ça, tu nous parles un peu de ce que tu vois sur l'image, est-ce que des gens comme ça t'ont fait réagir? On va expliquer en plus pourquoi évidemment ce personnage-là, c'est qui est sur l'image? Alors là j'ai une magnifique photo de Jean-Marie Messier, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est, l'anecdote de Jean-Marie Messier allongé sur son lit avec une chaussette trouée, c'est la base, c'est l'une des grandes inspirations pour faire le personnage de Coq. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est quand même l'énervement de voir des gens comme ça. Et puis adulés, et qui mettent des gens dans une panade noire, parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Jean-Marie Messier, tout de même, a failli couler... un groupe énorme, un empire, et il faisait la une de tous les journaux. Justement, alors, dire, c'était... autre image, on avance sur les images, il y a une critique certes de ce genre de personne, et il y a une critique de juste ça, à un moment donné, dans une scène du film, on voit, alors ça c'est quoi? Là tu nous gâtes. Alors là, j'ai sous les yeux la une de Point de vue. Point de vue, c'est Point de vue du Monde, normalement. C'est Point de vue, Image du Monde, c'est Point de vue, Image du Monde. À une époque, mais Image du Monde, peut-être qu'ils se sont dit, on va l'enlever, je ne sais pas. Donc, Et puis là, c'est gratiné, parce qu'il y a Sarkozy, il y a Bush, il y a la Reine d'Angleterre, il y a Madonna, il y a Michel Drucker, enfin bref, on est bien là. C'est quoi cette nouvelle, et on l'a vu encore avec les patrons du CAC 40, là, qui... ont des salaires absolument proéminents. Il y a ça aussi, parce qu'à un moment donné, dans le film, on voit Monsieur Coq, d'un seul coup, sur plein de couvertures de magazines, posé avec toutes les stars, entre guillemets, de ce monde, mais ça peut être aussi bien des... On imagine un Indien, on imagine bien des gens caritatifs, on imagine bien des stars du musical, mais ces gens-là qui deviennent des stars, les politiques, ou les gens qui deviennent des politiques... Dans Monsieur Coq, je ne l'ai pas mis au milieu de stars du showbiz, j'ai mis au milieu de stars politiques. Politique. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait très bien être Monsieur Bush, une autre personne qui pourrait très bien être Ben Laden, il y a une autre personne qui pourrait très bien être Pinochet, on le voit même dans l'espace, parce que maintenant les millionnaires vont dans l'espace, donc on le voit flottant dans l'espace, etc. Et c'est vrai qu'il y a une revue de presse qui tend à se moquer de cette espèce de système qui consiste à admirer des gens sous les textes qu'ils ont juste du fric, quoi. Et pas grand-chose... Et du pouvoir, puisque là, on le voit bien. Bien évidemment. Certes, c'est de l'argent, parce que là, en plus, celle qu'on a, c'est combien gagne-t-il vraiment, point de vue. Donc, on a que Sarkozy, en plus, on se demande, c'est fait exprès. Juste leur point, excuse-moi, Sébastien, mais c'est fait exprès, parce qu'il dit... Nicolas Sarkozy gagne, ça va vous faire pleurer, gagne 110 528 euros de moins que George Bush. Moi, ça me tire des larmes, c'est terrible ce genre de choses. C'est terrible de voir ce genre de. Qui se voit très bien et des gens qui finalement, les hommes politiques, on imaginait m'avoir. J'ai pas de sympathie particulière pour De Gaulle, pour des gens comme ça, on les imaginait, j'entendais ce matin, on parlait de De Gaulle justement, faire la une. De gens de magazine avec sa terrible, femme, avec Bobonne, voilà. etc. Et il détestait ça, oui. Donc c'est bizarre comme. Est-ce que ça vient, à ton avis? Alors là, on part un petit peu hors de l'animation, mais ça vient des médias eux-mêmes qui sont friands et qui veulent toujours plus de nouvelles choses, ou c'est les hommes politiques et. Mais ça vient de nous. Tout ce qui est... Et ça vient de nous. Elle est bien bonne, celle-là. Bah, ça vient de nous. Le fait d'avoir. On a besoin de. Bah, tous ces guignols sur les images qu'on nous balance partout, ça vient de nous. C'est nous qui achetons ces magazines. C'est nous qui regardons ces merdes à la télé. Bien évidemment. C'est pas eux. Eux, du jour au lendemain, on claque des doigts, on veut plus les voir, on les voit plus. C'est vrai. Bah, si ça se vend plus. D'accord. Non, je sais pas. Donc ton prochain film, c'est. Sarkozy, apparemment, je crois qu'il va lancer une campagne de pub à la télé, j'ai entendu ça. Donc même si on veut pas le voir, on le verra. C'est vrai ? Oui, j'ai entendu ça hier, oui. Pour l'album de. Pour expliquer les réformes, je crois qu'il va y avoir. Des... J'ai entendu ça hier, de la publicité à la télé. C'est de la propagande. Ça, c'est de la propagande. Hein, oui, c'est ça, on c'est revient sur revient, la propagande. On revient au thème. C'est carrément terrifiant. Précédent, oui, oui. Alors, je sais pas s'il va se mettre lui-même en scène, mais en tout cas, c'est. Pour expliquer les réformes. Et apparemment, oui, il serait en scène. Wow, bon. Ah, quelle news. Donc, c'est un peu terrifiant, c'est le genre de choses qui jette un froid, on va dire, dans le studio. Il ne faut pas dire sur Monsieur Coq. C'est dommage parce qu'évidemment, on ne peut pas dire la fin. Non, j'aime autant pas. Hein, et c'est dommage parce que la fin est exemplaire. Bah oui, mais me casse pas mon truc. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est juste pour dire qu'en fait, le film, j'espère, sera un peu plus optimiste parce que là, on n'en sort pas tellement finalement de. Bon, le film, ça reste une. Il a quel... Ce film, c'est une caricature. Alors, quand je dis après que. Il y a des gens qui commencent à me dire oh, le film est trop caricatural. Bah oui, mais enfin, excusez-moi, mais attraper, faire bosser des gens. Les attraper, quand les mettre à la poubelle, délocaliser dans un autre pays, mettre je ne sais combien de gens au chômage dans la merde, c'est pas une caricature, ça. C'est de ça aussi que parle Coq. Donc voilà, en ce sens, il n'est pas si caricatural que ça, le film. Non, je pense que quand les gens le verront, en effet, un peu plus, on se rendra compte que... Oui, après. Quand en effet. Alors, on va passer à la technique. On va passer à, déjà à la réalisation. C'est la volonté, finalement, de voir... Il y a deux parties dans Coq, bien précises. Il y en a une qui est un petit peu plus rapide, qui pourrait presque être une bande-annonce, où on va voir les agissements de Coq et ce qu'il avance, quand il tombe amoureux à un moment donné, etc., etc. Et il y a d'un seul coup une cassure assez nette dans le film, qui est voulue. On sent bien que ce n'est pas juste une erreur de rythme ou quelque chose. On se dit, bah, tiens, non, il y a vraiment une volonté d'un seul coup. Et là, on va avoir donc, ce monsieur barbu qui va essayer de foutre les choses, hein, la merde un petit peu dans cette usine. Et là, par contre, ça va être beaucoup plus lent. C'était quoi cette volonté d'un seul coup de casser pour que la deuxième partie soit encore plus forte, pour que la première, c'était... C'était la volonté d'être effectivement dans une espèce de frénésie au départ, d'hystérie en termes d'image, de ce que peut faire Coq. Ça va très très vite, c'est très dynamique. Et ça finit par une revue de presse, d'ailleurs, cette première partie. Et la deuxième partie, c'est rentrer plus dans l'intimité de ce personnage, qui finalement est très énigmatique, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur ce type, et sur sa peur. Et sa peur, c'est justement ce barbu, qui là revient de la guerre, passablement diminué, puisqu'il est dans un chariot... Ouais. Et il revient avec un obus qui s'est pris sur le coin de la tête. Et l'obus n'a pas explosé. Il revient avec son obus pour... on ne sait pas trop si c'est pour avoir des explications. Voilà, ça c'est pour la suite. C'est le grain de sel, on va dire, qui essaye d'un peu d'enrayer cette machine malheureusement trop bien huilée. Voilà, exactement. Et je souhaitais, ça m'intéressait, qu'on rentre un petit peu dans l'intimité, qu'on rentre dans l'intimité... Du personnage principal, en l'occurrence de Monsieur Coq. La technique, Alors la technique... Parce qu'on est, on est loin en effet, là, l'inventaire, tu l'as dit, c'était du volume, oui. Ensuite retouché plan par plan quasiment, hein, puis oui, à part oui, deux oui, plans oui, sur oui. ordinateur, là c'est quoi? Là c'est ce qu'on appelle du papier découpé numérique, à savoir que c'est fait, bon c'est, dans, c'est informatique, hein, c'est pas faux grand titre, mais c'est du papier découpé, voilà, c'est ça le principe, avec un mélange de volume, c'est-à-dire qu'on a sculpté des éléments à part, en volume, que j'ai photographié, et qui sont mélangés avec de l'illustration. D'accord, donc pour comprendre, il y a la plupart des personnages, des éléments, ont quand même été faits en volume ? Pas la plupart, hein. On va dire, non, pas tant que ça. Pas tant mais que ça, ouais. Le visage de Coq, par exemple, ouais. Les visages des robots... certains décors, certains éléments de décors, mais sinon tout le reste c'est de l'illustration. Donc on va en profiter pour parler aussi de l'équipe, ça c'est qui fait le... les personnages en volume. Tu as quelqu'un. Alors les personnages en volume, c'est moi qui les ai faits, mais ouais. Tous les décors, tout ça, ça a été fait donc à Lille avec Zoé. Oh, j'ai toujours peur de dire son nom, elle va m'en vouloir. Gottdeluc, je ne pourrais pas le prononcer non plus, c'était un piège. Avec Zoé, qui est une formidable sculptrice extrêmement talentueuse, avec laquelle donc on a construit des maquettes, des éléments de décor avec des matières pour pouvoir être ensuite photographiés et intégrés dans le film. Donc première partie à Lille, alors là il y a tout, hein, pour bien expliquer, il y a scénario, storyboard, tout ça est fait bien évidemment. Tu arrives là-bas, d'abord toi tu fais les personnages, Zoé fait tout ce qui est décor, voilà. Vous avez tout ça, ensuite c'est quoi? C'est pris en photo, mis sur ordinateur? Voilà, exactement, c'est traité, donc moi je réalise les illustrations, j'assemble les éléments, je prépare les éléments pour les animateurs, et ensuite le film a été animé au studio Trintrin. Alors, le studio qui n'a pas peur du quotidien, c'est important. Préciser, très important. Absolument. avec une Dream Team, on a déjà une belle... avec Zoé qui travaille, hein, sur Panico Village, notamment le long-métrage. Alors, Zoé a travaillé, vient de finir de travailler sur Panico Village, le long-métrage. Long-métrage, tiré de la série, voilà. Complètement barge de... De Pic-Pic André. Ah, là, voilà. Voilà, exactement. De réalisateur belge. Exactement. Et donc, Studio Trintrin, c'est... Alors, le Studio Trintrin, c'est un studio qui est tenu par des animateurs qui sont aussi réalisateurs. Il y a Claire Trollet, Gabriel Jacquel, qui est entre autres le réalisateur du Recto Verso, quelqu'un qui a beaucoup travaillé au film du Nord, hein, avec Claire Trollet. Il y a Gilles Cuvelier, qui est l'auteur de Chahut. Il y a également, il y a Samuel bien évidemment, voilà. Mais qui ne faisait pas partie, qui n'a pas travaillé d'accord. sur les animations du film, qui fait partie de voilà. Et donc on est juste content d'avoir Pierre qui va nous parler de toi, parce qu'évidemment tous ces gens-là ont refusé de parler sur les conditions de tournage qu'ils ont pu avoir. J'ai voulu essayer, mais ils m'ont dit non, on va peut-être changer nos voix. Le problème, c'est qu'évidemment c'est difficile vu qu'il y a peu de personnes finalement qui ont bossé dessus. On aurait su, donc je leur ai dit non, on va mieux éviter. On a envoyé Pierre au casse-pipe, on le verra tout à l'heure. Comment travaille Franck, on va le savoir. Là, on verra si on retravaille ensemble après. Parce que ça a été dur, je pense, pour eux. C'était épouvantable. C'est un plaisir de travailler sincèrement avec des gens. On les a entendus ici, en plus, je peux d'autant plus plaisanter qu'on a entendu Gilles, on a entendu Gabriel en interview ici. Tu peux le dire, hein, peut-être qu'ils ne l'entendent pas. Ça fait plaisir de travailler avec des gens comme ça, qui comprennent. C'est un plaisir. D'abord, c'est un plaisir parce que ce sont des amis. Donc, en même temps, c'est pas forcément facile de travailler avec des amis. L'inventaire, c'était des gens déjà de talent, mais qui n'étaient pas des connaissances. Voilà, la grande différence, c'est que l'inventaire fantôme, l'équipe d'abord était beaucoup plus grosse. Hein, et c'était des gens qui n'étaient pas initialement des amis, qui sont devenus des copains. Hein, ça, il n'y a pas de souci, on s'est très très bien entendu. Mais là, on est parti sur une base complètement différente, c'est que j'ai travaillé avec des gens qui étaient déjà des copains, des amis. Et ça s'est bien évidemment très bien passé, extrêmement bien passé. Et du fait, en plus de cette technique particulière du papier découpé, il y a une immense souplesse dans l'utilisation de ces techniques qui permet de revenir en arrière, d'essayer des choses, d'autres choses, des choses un peu différentes. Ce qui donne en fait au travail d'animateur et par conséquent au travail du réalisateur une immense souplesse qui est très très agréable, presque... Le mot est un peu excessif, mais on peut parfois parler presque d'improvisation. Dire tiens, si on plutôt on faisait ça, etc. C'est possible en animation aujourd'hui, parce que ça paraît fou. On a l'impression que l'animation, il faut être tellement carré, tellement précis. Bon, là, c'était le cas. Il y avait bien évidemment storyboard, animatique, tout préparé. Mais quand je parle d'improvisation, c'est surtout sur le rythme, par exemple. Bien évidemment, pas sur les pauses. On pouvait pas faire se retourner le personnage comme ça. Il fallait que ce soit prévu. C'est-à-dire, on reste dans le domaine de l'animation. Mais par exemple, sur le rythme, oui, on peut parler d'improvisation. Et ça, c'est pas inintéressant. Enfin, nous, on a eu beaucoup de plaisir à travailler. Et ça, c'est possible qu'avec des gens qu'on connaît. J'imagine mal dire à un animateur, bah là, tiens, j'ai envie de changer ça. À ce moment-là, il fera un peu la gueule, non ? Si, c'est possible avec d'autres personnes. Ce qui est intéressant avec des gens qu'on connaît et surtout en qui on a toute confiance, c'est qu'on leur confie un personnage, on leur confie la scène. Et voilà, ils font leur popote, quoi. Et ensuite, on repasse derrière. Et si ça ne correspond pas, on en reparle et on peut refaire. Ce qui est je sais que sur l'inventaire fantôme, c'était l'immense frustration. C'est que les animateurs sur le plateau mettaient parfois 15 heures pour animer un tout petit morceau de film avec la marionnette. Et si ça convenait pas, bah, fallait refaire 15 heures. Il n'y avait pas d'autre solution que de refaire 15 heures. Donc là, c'est pas du tout le cas. Il y a, allez, deux images encore. Ah, super. Il y a une scène dans le film. On revient sur le côté politique, on va dire, ou en tout cas engagé du film. C'est quoi les images? Ah ben là, j'ai un magnifique tableau du CAC 40, du Dow Jones, je ne sais pas. Oui, en fait, et là, j'ai Wall Street. Là, pas de doute possible, c'est Wall Street, la bourse. Il y a un moment donné dans le film où Monsieur Koch, on a l'impression, joue aux jeux vidéo. Oui. Et en fait, il joue à la bourse. Oui. En mangeant du pop-corn. C'est direct. Bah, lui c'est comme ça qu'il passe son temps. C'est ce qui l'amuse le plus, c'est qu'il joue. Alors il a un gros buzzer, un peu comme c'est entre question pour un champion et la Nintendo. Hein. Et puis voilà, toute la journée, il passe ses journées à jouer à la bourse sur plein d'écrans, avec en mangeant du pop-corn bien sûr, parce qu'il mange toujours du pop-corn. Est-ce qu'on peut considérer que ton film est un film militant? Est-ce que Monsieur Koch, tu le considères comme un film militant? Oui. Oui. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu considères aujourd'hui par rapport à un film? Si je te montre, alors pareil, on continue sur les images, c'est bientôt fini, mais il y a celle-là. Si je te montre ça, donc là on a. Là j'ai une photo du Che. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça te. Est-ce que tu penses quand je te montre juste après ça? Et là j'ai une photo de petite culotte très laide et assez vulgaire avec l'effigie du Che. Broder dessus. C'est quoi aujourd'hui finalement d'être quand on voit ça, c'est-à-dire quand on voit tout ce qu'ils nous font, le film de Soderbergh qui fait 4 heures, où il y a, etc., où on a un personnage sûrement très romantique d'après les gens qui l'ont vu, etc., et quand on voit la publicité sur des personnages comme ça, est-ce qu'on peut aujourd'hui, moi je dirais oui, bien évidemment, si je te pose la question, est-ce qu'on peut encore être militant? Elle est grandiose, faut la voir. C'est sur la main, j'ai trouvé la photo de la culotte, en fait, qui était marquée en un string avec juste devant la photo du Che. C'est invraisemblable. C'est génial. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Il y a quelqu'un qui s'est dit, bah oui, tiens, je vais mettre une photo de Che sur. Ton principe sur un de sortir des photos derrière les fagots sans prévenir, ça, je trouve ça parfait. Ça met beaucoup de spontanéité dans le. Mais parce que. Dans l'échange. Ça ressemble, c'est la caricature de. Genre, on parle encore de caricature, mais on est dans un monde très caricatural. Ça m'étonne pas. Le Che est devenu un produit comme un autre. Et est-ce que ça, c'est pas devenu un produit comme un autre? Mai 68, là j'ai sous les yeux mai 68, début d'une lutte prolongée. C'est une affiche qui avait été faite aux Beaux-Arts en 68, justement. Quand on voit que c'est sur les trucs de la FNAC. Ça, on a ça partout maintenant. Oui, c'est pareil, c'est devenu un produit. Sauf que mai 68, moi d'abord, ça me réjouit qu'on parle de mai 68 parce que j'étais pas né. Mais je suis d'une génération qui est issue vraiment de mai 68, comme nous tous ici d'ailleurs. Et ça me réjouit d'autant plus que ça emmerde les réacs et autres conservateurs qu'on parle de 68 aujourd'hui. Parce qu'ils voulaient l'enterrer, jeter le bébé et l'eau du bain. Moi, je suis ravi qu'on parle, même si c'est les publicitaires qui parlent de 68 aujourd'hui, je suis plutôt content. Mais comment on fait pour rester militant avec, justement, et comment on fait pour rester, pour faire, essayer d'avancer les choses avec une œuvre d'art, par exemple? Ce que je pense, M. Gokley, c'est-à-dire vouloir faire avancer, vouloir faire, en tout cas, comprendre des choses. Non, mais faut vouloir faire un, allez, on va dire, une... Alors, voilà, évidemment, alors, ça va me faire passer pour un truc, je l'ai qu'en anglais, et c'est pas à Franck qu'il faut parler en anglais. Je voulais dire un political statement, non mais je voulais dire quelque chose de fort, c'est-à-dire vouloir dire un message, merci. Ça fait vraiment prétentieux, je suis désolé, c'était pas ce que je voulais faire. Pardon, mais un message politique, comment on fait pour, à travers une œuvre d'art, finalement, quand même réussir à faire un message politique sans tomber dans la... facilité ou sans tomber justement dans c'est toute la difficulté. Moi, j'ai pas la prétention d'apporter une solution. Je pose juste une question qui me dérange. La question qui me dérange, c'est celle que je vous ai énoncée tout à l'heure, notamment tous ces gens qu'on fout dehors, qui se retrouvent sans boulot, dans la dignité la plus totale. Ces salauds qu'on admire parce qu'ils ont réussi, tout simplement, ces patrons voyous. Donc ça me dérange. Moi, j'ai pas de solution à ça. Je pose juste la question. Okay. Je fais juste avec un film d'animation. Alors maintenant, savoir si le film est réussi, s'il pose correctement les questions, s'il est définitivement trop caricatural et pas dans le bon sens, ça m'appartient pas. C'est pas à moi de pouvoir le dire. Donc en fait, pour répondre, une œuvre d'art serait plutôt, pour être un message politique, a plutôt l'envie de poser la question, pour toi, poser une question plutôt que de vouloir donner une réponse. En ce qui me concerne, oui, absolument. Ok. Ah oui, on va faire une pause musicale avant de passer à Pierre. On va écouter, on a eu à un moment donné Brassens, on va écouter la version de Noir Désir du Roi des Cons. On écoute. Ah, je l'ai fait. Sur un air de fandango. s'est vu dans le passé. Que ça s'est vu dans le passé. Marianne soit renversée. Marianne soit renversée. Mais il y a peu de chances qu'on détrompe le roi des cons. Donc tout d'abord, c'était Le Roi de Georges Brassens par Noir Désir, une reprise sur le disque qui s'appelait Les Oiseaux de Passage. Et ensuite, c'était l'œuvre de Pierre Caillé, on va en parler. Mais on a eu un coup de téléphone du secrétariat de M. Coq et j'ai pas parlé de Papy 3D. Alors je me suis fait engueuler, il faut que je parle de Papy 3D, comme si on n'en parlait pas suffisamment. Mais la propagande continue. Alors tu as environ, parce qu'il faudrait quand même que Pierre passe, Franck, tu as 35 secondes pour parler de Papy 3D, dont on a déjà parlé lors de la prochaine émission, de la dernière émission, et j'en parlerai forcément, parce que je suis obligé lors de la prochaine. Mais attention, on a 30 secondes sur Papy 3D, c'est parti. Je voulais juste rendre hommage, parce que j'ai parlé de l'équipe et j'ai oublié quelqu'un qui s'appelle Richard Vandenboom, qui est le gérant de la société, parce que c'est un collectif de producteurs, enfin bref. Qui était venu donc, en effet, lors de la dernière émission, parler des producteurs, justement. Exactement. Et je voulais parler de lui parce qu'il a fait un travail remarquable d'administration, de production sur Monsieur Coq. Voilà. Et puis de toute façon, moi j'aime bien, hein, ça fait longtemps que je vous suis, à la fois toi, Sarah Vandenboom, qui a fait Vecento, qui fait son prochain film. On parlera de tout, j'espère qu'il va se faire, et bien sûr, et qu'on parlera de tous les problèmes qu'il y a eu de production dessus, dont on ne parlera pas pour l'instant. Il y aura beaucoup à dire. Mais voilà, mais on parlera un petit peu des gens qui ont le seul pouvoir en main et qui veulent donner telle ou telle subvention et qui décident à un moment donné de les retirer. Arte, Canal, je sais que même si aussi Canal a produit tout, mais tout ça, etc. Donc, on parlera de tout ça, évidemment, après. Mais de toute façon, s'il y a bien quelqu'un qui, par rapport à Papy 3D aussi, fonctionne bien, c'est Pierre. Comment on travaille avec Franck? Déjà, sur l'inventaire, tu as travaillé sur l'inventaire fantôme. On se rappelle, pour ceux qui ont vu l'inventaire fantôme, oui, une espèce de tango qui partait dans tous les sens. Tu as beaucoup de mélanges. Comment on travaille avec lui? Bah donc, effectivement, j'ai travaillé sur l'inventaire fantôme avec Franck il y a déjà quelques années. Donc, entre-temps, on est devenus amis, etc. etc. Et on est toujours à la recherche du décalage, en fait, quand on travaille ensemble. C'est-à-dire que pour l'inventaire fantôme, c'était un tango, c'était une chose qui n'avait absolument rien à voir avec le film en même temps, mais qui était au milieu, qui apportait quelque chose. Et pour Monsieur Coq, ce qu'on a voulu, on n'a pas voulu tomber dans la parodie du film d'action, et on a cherché d'abord une musique un peu sirupeuse, un peu kitsch, qu'on voulait, que Franck voulait mettre un petit peu partout sur le film, histoire de montrer l'état d'esprit du personnage, en fait. Le fait qu'il était bien, il était content, et c'est comme ça qu'on est arrivé sur cette musique un peu années 50-60, avec des violons qui dégoulinent et des choux badouap et tout ça. Juste pour comprendre, tu travailles, par exemple, Monsieur Coq, qu'est-ce que Franck te donne avant de travailler? Est-ce qu'il te dit juste, tiens, voilà, ça va être ça l'histoire? Il te montre des recherches graphiques, parce que Franck, on l'a vu, fait beaucoup de recherches graphiques. Qu'est-ce que tu as comme support pour pouvoir créer ta musique? Ce que tu viens de nous dire pour créer. Alors, avec Franck, on se voit quand même assez souvent. Donc, moi, j'ai effectivement la chance d'arriver très tôt sur le projet. Je me demande même si j'ai pas vu le dessin de Monsieur Coq qu'il évoquait tout à l'heure dans un de ses carnets en me disant ah tiens j'ai pensé à ça et il savait même pas encore quel film il allait faire avec. Donc c'est vraiment dès le départ qu'on travaille ensemble. Donc moi j'ai commencé à réfléchir dès que j'ai appris l'existence de ce projet sur ce que je pouvais faire et c'était pas très clair. Et en fait, par hasard, j'ai travaillé sur une publicité pour une marque, je sais plus laquelle. C'est pas grave. On s'en fout. Oui. C'est normal. Vous voulez quelque chose de très kitsch, justement. Et c'est là que ça m'a donné l'idée des violons sirupeux, des goulinons, du crooner. Et j'ai envoyé ça à Franck et je crois que ça l'a fait marrer. Et c'est comme ça qu'on use et abuse de ce thème de Monsieur Coq pendant tout le film, quasiment en boucle. Voilà. Bon, il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses. Alors, on va écouter si Nicolas peut... est-ce que tu m'entends ? Oui. Donc, on va passer la 11, qui est un peu longue. On va écouter la 12 et la 13, s'il te plaît. Alors donc on a entendu deux morceaux, hein. À un moment donné c'est la bourse où il n'y a que du son. Oui, c'est pas vraiment de la musique, c'est la bande-son du film. Oui, enfin ça fait partie voilà. De la bande-son, non ? C'est important, c'est pas toi oui, qui l'a fait ? Oui, c'est la bande-son du film. Ah oui, effectivement j'ai fait la bande-son du film, j'ai oublié. C'est peut-être important, non ? Parce que, oui, non, parce que justement c'est important en animation, là on parle de musique et c'est vrai, la bande-son participe évidemment énormément, surtout que là il n'y a pas de parole, donc elle évidemment, elle va dans un sens ou dans un autre. Et là, il joue à la bourse, on a ces... on ne les a pas forcément, enfin, on a ces bruits comme ça, de tiroir-caisse, genre comme ça, ça enfonce encore un peu plus de clous par rapport à une image. Franck, le son, c'est... Tu le travailles... Pierre nous en parlait un petit peu. Toute cette ambiance sonore, comme ça, comment ça se passe avec Pierre, juste pour avoir les deux voix? Là sur Monsieur Coq, moi j'ai commencé, j'avais déjà fait ça pour l'inventaire. Moi je me constitue des bandes son provisoires avec des sons que je glane sur internet, un peu partout en fait. D'accord. Et pour l'animatique. Et ensuite Pierre lui a trouvé de nouvelles idées d'abord des sons définitifs. Ou parfois, on récupérait les sons que j'avais trouvés en les modifiant. En les triturant, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. En fait, si c'est passé, c'est vrai que j'avais l'air un peu de débarquer de la lune, mais c'est la première fois que je fais du son pour un film, parce que d'habitude, je fais que de la musique. D'accord. Et c'est vrai qu'un jour, Franck m'a dit, dans un café, on parlait de ton film, il m'a dit, écoute le son, on va le faire tous les deux. Je l'ai regardé, je lui ai dit, t'es vraiment sûr ? Il m'a fait, oui, c'est comme ça, de toute façon, c'est mon film, c'est moi qui décide, et tu vas faire le son avec moi. Bon, c'était... Et donc, on a travaillé un petit peu avec des allers-retours, en fait. Mais c'est vrai qu'il travaille beaucoup le son pour un réalisateur. Il monte des trucs, il récupère des sons à droite et à gauche, il enregistre des choses avec son micro de Walkman. Enfin, c'est assez incroyable. Et il y a d'ailleurs des choses qu'il a enregistrées qui se retrouvent sur le film... final. Et donc tu n'as pas travaillé qu'avec Franck en animation, tu as fait à vos papiers oui. De Claire Fouquet. Oui. Il y a quoi d'autre en anime? Tu as fait Studio Train, tu as fait donc Train-Train, enfin le petit film sur Train-Train. Je vais travailler avec Sarah sur le prochain film de Papy 3D qui s'appelle La femme squelette. La femme squelette, tout à fait. J'ai travaillé sur un film qui s'appelle Pompon le chien avec JPL Film. Donc comment on travaille par rapport à la pub, tu viens de nous parler, il faut être sûrement efficace, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour toi dans ton travail dans le cinéma d'animation ? Il y a énormément de liberté qu'on n'a pas du tout ailleurs. Quand on travaille sur la pub, on a des créatifs qui nous disent voilà, il faut que ce soit rouge, il faut que ce soit vert, que ça clignote, ou on veut ce disque-là, mais il est beaucoup trop cher, donc tu vas nous faire la même chose pour 2 francs 50. où il faut faire un truc à la mode, brancher, etc. Pour l'animation, je crois que c'est encore un des rares endroits en tant que compositeur où on a vraiment de la liberté. Bon, bien sûr, ça dépend avec qui on travaille. Hein. Des fois, il m'arrive de faire et refaire des choses 10 000 fois. Mais la plupart des réalisateurs d'animation sont des gens ouverts. Et l'avantage aussi du court-métrage d'animation, c'est que le court-métrage n'est pas un objet qui est fait pour faire de l'argent. Ouais. Donc, il n'y a aucune pression de producteur dans la plupart des cas. Donc, on peut faire plutôt ce qu'on veut, et donc on peut bien rigoler. C'est le cas avec Franck. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du Tongo de l'Inventaire Fantôme. Je ne suis pas sûr que si ce film avait été un long métrage, le producteur n'ait pas dit « Attention, là, le Tongo, c'est complètement décalé, peut-être que ça ne va pas aller. » Et de la même manière, là, on a entendu un petit morceau avec l'international. Justement, aussi, c'est là où je voulais venir. Donc, au départ, effectivement, on a trouvé donc cette fameuse musique, Sirupeuse à souhait, qui était le thème de Monsieur Coq, mais il y a d'autres choses dans le film. Donc, il nous fallait aussi de la musique un peu partout. Et avec Franck, on avait pensé à utiliser beaucoup l'international. Le thème de l'international, on le déclinait un petit peu tout au long du film. Et j'avais commencé à travailler dans ce sens-là. Et on s'est aperçu d'un truc incroyable, c'est que l'international, c'est absolument pas dans le domaine public. Mais comment ça se fait ? Ça appartient à un éditeur qui s'appelle, je crois, Champ du Monde, qui est à Paris. Donc, pour pouvoir utiliser l'international, il faut payer des droits d'auteur. Et donc, bon, c'est une production de court-métrage d'animation. C'est pas Hollywood non plus. Donc, on a pu payer une partie des droits. C'était combien ? Vous vous rappelez, c'était combien ? C'est pas très cher, c'était non négociable. Hein. Mais voilà, on a reçu un mail comme quoi, je crois que pour 20 secondes, c'était ton non négociable. Et bon, c'est pas non plus hors de prix, mais c'est vrai que c'était très étonnant. C'était non négociable, ils ont dit, c'est ce prix-là. Et puis, oui, parce que je leur avais envoyé, moi j'avais fait un sujet à propos du compositeur de l'international, puisqu'il se fait que Coq, Ironie du sort, s'est fait dans la même rue où il y a une statue et où il y avait l'usine où travaillait le compositeur de l'international. Et donc, je leur envoyais un petit topo en leur disant, voyez, c'est marrant, etc. Ils m'ont répondu très froidement, c'est temps non négociable. Donc, on a payé, hein, pas un souci. Oui, enfin bon. Donc, on a revu à la baisse hein, la durée d'utilisation. Oui, c'est ça, forcément. Donc, dans ce cas-là, on... Donc, on est parti sur d'autres choses aussi intéressantes. De toute façon, je pense que le moment où on avait le plus besoin de l'international, on l'a gardé. Oui. Même si j'ai fait une internationale un peu déglinguée, puisque c'est sans trahir le film, je pense qu'on peut dire à quel moment il se passe. C'est le moment où le barbu justement revient de la guerre et Coq entend cette musique en le voyant en fait. C'est un petit peu comme son cauchemar. Voilà. Quel nom. Bon, bah évidemment. Il fallait s'en douter. On manque de temps. Il y avait encore plein de choses à dire. Et donc, tu reviendras. On va faire revenir Pierre pour bientôt, mais en tout cas, il y a Monsieur Coq, c'est www.monsieurcoq.com. Pierre a un site, c'est www.pierrecaillet. Oui, mais de toute façon, il est lié sur le site de Monsieur Coq. De Monsieur Coq, donc Monsieur Coq, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir, il y a plein de choses, il y a plein de aussi, on peut écouter des petites choses et tout sur le site. Enfin, allez voir le site. Et donc, Animation et Propagande, dont on a parlé en première partie, c'est le livre de Sébastien Rofac qui est en vente partout. Enfin, on espère. Donc, de l'Harmattan. Merci beaucoup à tout le monde. Et alors, ce qu'on va faire, parce que je suis en retard, évidemment, vous en doutez, on va se retrouver, j'espère, d'ici un mois. Et ce qu'on va faire pour générique de fin, qu'on zappera quand vous voulez, il n'y a aucun problème, même si on en écoute 10 secondes, mais ça nous permettra de sortir. On va mettre ce qui fait 1 minute 30, qui doit être la piste 11. Et c'est évidemment pour terminer du Pierre Caillet. Merci beaucoup, merci à tous. C'est et à très bientôt. Bye bye.